L'Aniania par Henri Gréville. Chapitre 1er. Antonine Karzov venait d'avoir 19 ans. Les violons et balles donnés à l'occasion de cet anniversaire résonnaient encore aux oreilles des parents et amis. La toilette blanche, ornée des traditionnels boutons de rose, n'avait pas eu le temps de se faner, et cependant, Mademoiselle Karzov était en proie aux plus cruels soucis. Les rayons d'un pâle soleil de printemps éclairaient de leur mieux le salon vaste et un peu sombre où l'on avait tant dansé 8 jours auparavant. Le piano ouvert portait une partition à 4 mains qui témoignait d'une récente visite. Mais Antonine ne pensait ni au soleil, ni à la musique. Elle attendait quelqu'un, et ce quelqu'un ne venait pas. 20 fois, elle alla de la fenêtre à la porte de l'antichambre, puis revint à la fenêtre, retourna de là dans sa jolie chambrette qui ouvrait dans le salon, redressa une branche de ses arbustes, refit un pli au rideau. Tout cela ne perdait pas 5 minutes, et le temps passait avec une lenteur impitoyable. « Ma mère est-elle rentrée ?» dit Antonine à une vieille servante qui apparut dans la porte de la salle à manger contiguë. « Non, pas encore, mon ange chéri, » répondit la vieille. Antonine se jeta dans un fauteuil avec un geste d'impatience et serra l'une contre l'autre ses 2 mains fluettes, exquises de forme et toutes roses encore. « Elle ne tardera pas, mon trésor, » reprit la vieille. « Pourquoi es-tu si impatiente aujourd'hui ?»« Ce n'est pas de voir entrer maman que je suis impatiente, » murmura Antonine. La vieille bonne poussa un soupir et disparut sans bruit. Personne ne l'entendait jamais marcher. Antonine, les yeux fixés sur la trace lumineuse d'un rayon de soleil qui cheminait lentement sur le parquet, se mit à réfléchir profondément au passé. Ses souvenirs remontaient à 2 années en arrière. C'était à la maison de campagne de ses parents qu'elle avait commencé alors à trouver à la vie un charme nouveau et indescriptible. Pendant la saison des vacances, son frère, étudiant de l'université de Saint-Pétersbourg, avait amené 2 de ses amis pour préparer, de concert, leur thèse d'examen. Pourquoi l'un de ces jeunes gens était-il resté aussi indifférent à Antonine que l'herbe du gazon sur lequel ils causaient ensemble le soir? Pourquoi les attentions de celui-là lui étaient-elles plutôt désagréables? Et pourquoi l'autre, celui qui ne parlait presque pas, était-il devenu l'objet de ses pensées secrètes? La théorie des atomes crochus l'expliquerait sans doute. Dournov ne regardait guère Antonine, lui parlait à peine, ne lui faisait jamais de compliments, et s'inquiétait peu de ses actions en apparence. C'était un garçon de 22 ans alors, robuste et brun, dont l'extérieur manquait absolument de poésie. On entend par poésie le romantisme sentimental qui a fait écrire tant de livres absurdes et commettre tant d'actions ridicules. Mais la personne de Dournov respirait l'indépendance de la volonté, l'honnêteté, la loyauté la plus parfaite. Il riait volontiers, montrant librement ses belles dents, trop larges pour l'œil d'un dentiste, mais saines et blanches. Il était jeune, alerte, ne connaissait aucun obstacle, et la liberté a sa poésie propre. Dournov ne regardait donc pas Antonine. Dans les réunions fréquentes à la campagne où l'on danse à toute heure du jour, dans les parties de jeux innocents, il se trouvait cependant à côté d'elle presque à coup sûr. Personne n'en pouvait prendre ombrage. Il ne se disait pas de mots en toute la journée. Cependant, quand Dournov avait terminé la lecture d'un livre, il était rare qu'on ne vît pas le volume passer dans les mains d'Antonine. Mais là encore, il n'y avait rien d'étonnant. Madame Karzov, qui n'était pas née pour les grandes entreprises, avait pourtant suivi l'exemple général, devenu une mode dans les derniers temps. Il avait établi une école libre dans le village. Antonine, comme de raison, s'était chargée des filles. Jean Karzov, son frère, avait voulu prendre soin des garçons. Mais Jean était un rêveur. Il oubliait l'école pour aller rôder dans les bois avec son autre camarade, Maroutine, portant sur l'épaule un fusil avec lequel il tuait bien peu de gibier. Et Dournov prit l'habitude de le remplacer à l'école. C'était pour la régularité, disait-il. Antonine et lui s'en allaient donc côte à côte sans se donner le bras. Ils entraient chacun dans la cabane de leur classe et le plus souvent revenaient ensemble. L'été s'écoulait ainsi. Ils se parlaient toujours très peu, mais un peu plus que dans les commencements. Les vacances de l'université tiraient à leur fin cependant et les feuilles des tilleuls commençaient déjà à tomber sur le gazon. Antonine, toujours sérieuse, avait un peu maigri. Ses joues étaient moins roses qu'au printemps. Parfois elle se retirait de bonne heure, sans prétexte plausible. Si sa mère inquiète la suivait alors dans sa chambre, elle la trouvait assise dans un grand fauteuil, les bras pendants, sans autre mal qu'un peu de fatigue. Un jour, quand Onine sortait de la maison d'école un peu plus tard que de coutume, elle vit que Gournoff l'avait attendue. Assis sur les quelques marches du bois du petit perron, il regardait la route en sifflotant. Au bruit que fit la porte en retombant, il se leva, et Antonine reçut en plein visage un regard si profond, si plein de choses, qu'elle baissa les yeux. Ils marchaient tous deux et se dirigeaient vers la maison lorsque Gournoff, s'arrêtant brusquement, dit à Antonine « J'ai à vous parler ». Ils s'arrêtèrent près du puits. Ce puits, dont la margelle était haute de 3 pieds environ, était construit avec de grosses poutres de sapin à peine équarries, enchevêtrées les unes dans les autres. L'eau venait presque à fleur de terre et un seau de bois noirci par un long usage y flottait au milieu des feuilles jaunies des bouleaux que les vents d'automne y jetaient par tourbillon. La perche à contrepoids qui sert à relever le seau se perdait dans les branches basses des arbres. La haie du jardin haute et dru faisait un fond de verdure de cette construction rustique. L'herbe poussait là plus épaisse que partout ailleurs. À cette heure, personne ne venait au puits. À 10 mètres des maisons, l'endroit était aussi solitaire que le fond d'un bois. Antonine sentait battre son cœur et craignait que Gournoff n'en entendît les battements, tant il lui semblait terrible. Il resta un moment devant elle, la regardant, cette fois de tous ses yeux. « Vous êtes une demoiselle riche, » commença-t-il. « Je ne suis pas riche, » interrompit vivement Antonine. « Vous n'êtes peut-être pas riche pour votre monde, mais vous êtes riche en comparaison d'un petit-fils de prêtre qui n'a aucune fortune. Votre famille est de bonne noblesse. » Antonine allait parler, il fit un geste, elle se tut. « Je suis de naissance obscure. Puisque je viens de vous le dire, mon grand-père était prêtre. Mon père était un pauvre gratte-papier dans une administration de province. Il a acquis la noblesse héréditaire par ancienneté, et voilà pourquoi je puis mettre une couronne sur mon cachet. » Il souriait avec une certaine expression qui fit aussi sourire Antonine. « Cela n'empêche pas que... » Il se tut et regarda Antonine, qui, loin de détourner les yeux, leva sur lui son visage empourpré. Gournoff alors étendit sa large main, élégante de forme, mais grande et lourde. La jeune fille mit la sienne, sans hésiter, mais avec une gravité recueillie. « Je crois, reprit Gournoff, que nous suivons le même chemin, tous les deux. J'ai idée de faire quelque chose. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais je crois bien que ce sera une œuvre utile. Voulez-vous m'aider ? Non pas lorsque les chemins sont frayés et que la route sera facile, mais pendant les années de découragement et d'épreuves. Lorsque je serai accablé de raillerie, pendant que je suis pauvre et obscur, pendant que personne n'a foi en moi, excepté votre frère, qui a en moi une confiance absolue. Voulez-vous me donner du courage quand j'en manquerai, et de la joie toujours ? » La main qui tenait celle d'Antonine tremblait un peu, malgré l'effort visible de Gournoff pour paraître calme. Antonine regarda le jeune homme et répondit « Je le veux. » « Pensez-y bien, » reprit-il avec émotion contenue dans la voix. « Je ne puis vous offrir à présent ni un toit ni du pain. Je ne puis vous demander à ceux de qui vous dépendez que lorsque je me serai assuré de quoi vivre. » « Vous disiez tout à l'heure, interrompit Antonine, que j'ai quelque fortune. Précisément assez pour que je ne puisse prétendre à vous que si je vous apporte l'équivalent de ce que vous possédez. Que vous donnera-t-on en dot ?»« 30 000 francs, » répondit la jeune fille sans s'étonner de cette question. « Eh bien, il faut que j'aie une place qui me rapporte au moins le revenu de ce capital. » « C'est peu de chose, » ajouta-t-il avec son large sourire, « et je l'aurai bientôt une fois que j'aurai passé ma licence. Mais il faut attendre, et cette place ne sera qu'un acheminement vers autre chose. Les années de travail et d'épreuves seront longues. J'attendrai, » dit Antonine sans trouble. Gournoff la regarda d'un air ravi. Ce regard sembla mettre sur elle une bénédiction, tant il était sérieux et tendre. « Je vous aime, » lui dit-il, « je vous aime tant que si vous aviez refusé, je crois que j'aurais renoncé à mon rêve. Que serez-vous ? Demanda alors Antonine. Avocat. Antonine le regarda avec un peu d'étonnement. À cette époque, l'organisation des tribunaux étant encore tout entière à l'état de projet, les avocats n'existaient guère que de nom. On ne comprenait sous cette désignation que les avocats consultants, sorte d'hommes d'affaires généralement peu estimés. Gournoff lui expliqua alors les réformes projetées et la place que pouvait prendre dans ce nouvel ordre de choses l'homme qui aurait le premier le talent, la force et le courage nécessaires pour s'imposer. « Songez, » dit-il en terminant, « que jusqu'à présent tout est livré à l'arbitraire, que des milliers de gens spoliés crient justice sans rien obtenir. Songez que la lumière va se faire dans ce chaos, et après le tsar, qui sera le premier bienfaiteur, qu'elle ne deviendra pas le rôle de celui qui aura obtenu pour des malheureux le droit et la justice. « Êtes-vous ambitieux ?» demanda Antonine avec la même simplicité. Dournov rougit. Il plongea dans le fond de sa conscience et répondit ensuite. « Non. Car si j'étais ambitieux, je voudrais travailler seul. Et je ne puis vivre sans vous. « J'attendrai, » répéta Antonine. « Dès à présent, je vous appartiens. » Il ne lui dit pas merci. Ces deux âmes fortes s'étaient comprises sans phrase. Il serra fortement la main qu'il tenait, puis la laissa retomber. « Il faut n'en parler à personne, n'est-ce pas ? » demanda la jeune fille en reprenant le chemin du logis. « C'est à vous de le décider, » répondit Dournov, « si vous pensez que votre famille m'accueille favorablement. » Antonine ne put s'empêcher de rire. La nullité de son père et la frivolité bienveillante de sa mère lui inspiraient cette sorte d'affection qu'on éprouve pour des êtres irresponsables et dénués de bon sens. « Ils ne vous accueilleront pas favorablement, » dit-elle. « Attendons. » « Comme vous voudrez, » répondit le jeune homme. Ils atteignirent la maison sans échanger d'autres paroles. De ce jour, Madame Karzoff n'eut plus à s'inquiéter de la santé de sa fille. Antonine avait repris sa gaieté sérieuse et les couleurs de ses joues roses. Seulement, elle quitta peu à peu les ouvrages à l'aiguille de pur agrément pour les travaux plus solides. Elle voulut apprendre à tailler, à coudre, à repriser. « Mon Dieu, quelle fille originale !» disaient ses jeunes compagnes. « Quel plaisir peux-tu trouver à ourler des torchons ?» Antonine plaisantait la première de ses travaux peu élégants, mais elle tint ferme et devint très habile. L'hiver rassembla souvent les jeunes gens. On dansait prodigieusement à cette époque en Russie. Tout était prétexte à sauterie, et même sans prétexte, beaucoup de familles avaient un jour fixe où la jeunesse se réunissait et dansait dès 7 heures du soir. La plus brillante de ces maisons était celle de Madame Frakine. Comment celle-ci s'y prenait-elle pour procurer dans le plaisir à tant de monde avec des revenus d'une exiguïté invraisemblable et constatée? C'est un problème que jamais personne n'a pu résoudre. Peut-être la bonne dame se privait-elle à la lettre de manger pour parvenir à payer le loyer d'un appartement très vaste et très commode. Peut-être vendait-elle en cachette ses derniers bijoux de famille pour subvenir aux besoins d'éclairage de ce salon toujours plein le samedi. Toujours est-il que nulle part on ne dansait d'aussi bonne grâce et nulle part aussi, l'heure venue, on ne soupait d'aussi bon appétit. Le souper se composait de jolies tranches de pain noir et blanc, artistiquement coupées et alternées sur des assiettes de faïence anglaise. Un peu de beurre apporté de la campagne une fois par mois et soigneusement conservé à la glacière, de quelques harengs marinés, entourés de persil et d'oignons hachés, et d'une immense salade de pommes de terre et de betteraves. Un peu de fromage enjolivait ce menu frugal digne d'un cénobite. Mais le tout était si bien servi. Il y avait sur la table tant de couteaux et de fourchettes, tant de carafes luisantes dans lesquelles, en guise de vin, pétillait du kvass de fabrication domestique. Tout cela était offert de si bon cœur que la belle jeunesse, plus affamée de plaisir que de friandise, se déclarait enchantée de tout et recommençait à danser après souper d'aussi bon cœur qu'avant. Vers 2 heures du matin, Madame Frakine apparaissait dans le salon avec un grand balai, ce qu'elle appelait son balai de cérémonie. C'était, disait-elle, pour chasser les danseurs. On l'entourait alors en lui demandant grâce pour un quart d'heure, pour une contredanse. Elle refusait, agitant son formidable balai. Alors un enragé se mettait au piano et jouait une valse. Madame Frakine et son balai, entraînés dans le mouvement par les jeunes gens intrépides, faisaient le tour du salon, puis, riant, essoufflés, le bonnet de travers sur ses cheveux blancs, elle se laissait tomber sur un canapé. C'était le signal du départ, on s'approchait, on l'embrassait, on la cajolait, et l'on partait pour recommencer le samedi suivant. Pourquoi la bonne dame, sans mari, sans enfant, dépensait-elle ainsi le plus clair de son maigre revenu pour amuser des gens qui ne lui étaient rien? Elle l'expliquait d'un mot, et nul n'y pouvait rien répondre. « Cela m'amuse, » disait-elle. Il y a des gens qui prisent du tabac, d'autres qui font brûler des cierges, d'autres qui mettent tout leur argent chez le médecin et l'apothicaire. Moi, j'amuse la jeunesse, et elle me le rend bien. C'est là que, pendant tout l'hiver qui avait suivi leur étrange conversation, Dournov et Antonine s'étaient vus librement. Madame Karzoff envoyait sa fille avec sa vieille bonne chez la voisine. Le vieux domestique venait la chercher vers minuit et attendait, en compagnie des autres, à moitié endormie sur les banquets de l'antichambre, que la joyeuse compagnie fût rassasiée de rires et de danse. Depuis 5 ou 6 ans que Madame Frakin recevait ainsi une 50aine de jeunes gens des deux sexes, plusieurs mariages s'étaient décidés et conclus dans cette heureuse atmosphère. Bien des fantaisies passagères étaient écloses aussi dans les têtes folles, et avaient sombré avant d'arriver au port de l'Hyménée, mais jamais il n'en était rien résulté de fâcheux. Cette jeunesse étourdie était animée de sentiments purs et honnêtes. Toutes les jeunes filles se respectaient elles-mêmes, et tous les jeunes gens respectaient les honnêtes femmes. L'été revint. Jean Karzoff ramena son camarade d'études à la campagne, et les fiancés reprirent leur promenade à la maison d'école. Madame Karzoff s'apercevait si peu de leur bonne intelligence. Elle mettait tant de bonne grâce à les envoyer ensemble faire quelques courses ou quelques excursions, que plus d'une fois l'idée leur vint qu'elle savait leur projet et n'y était pas contraire. Antonine surtout en était si bien persuadée que Dournot fut quelque peine à la dissuader d'en parler franchement à sa mère. « Laissez-la faire, lui dit-il. Si elle nous est favorable, elle ne nous dira rien. Si vous vous trompez, elle pourrait nous séparer. Au moins en attendant le jour où je viendrai vous réclamer. Et alors, que ferions-nous ? » L'idée d'une séparation même temporaire dans de telles conditions était devenue trop pénible pour qu'Antonine ne cédât pas à ce raisonnement. Les jeunes gens se trouvaient heureux d'habiter le même lieu, de se voir quotidiennement, de travailler séparés au but qui devait les réunir. Ce bonheur était modeste aussi, ne se sentait-il pas en état d'en perdre la moindre parcelle ? Antonine garda le silence. Une épreuve bien pénible les attendait. Le père de Dournoff mourut pendant le second hiver, et le jeune homme fut obligé de partir pour mettre ordre à ses affaires. La séparation, qui devait durer 1 mois au plus, se prolongea pendant 5 mois. Dournoff dut établir sa mère et 2 sœurs plus âgées, non mariées, dans une résidence plus modeste que l'appartement où son père logeait de son vivant. L'État loge volontiers ses fonctionnaires en Russie, et les loge largement. Madame Dournoff et surtout ses filles poussèrent des soupirs bien douloureux en voyant une petite maison de bois remplacer les vastes chambres, nuit les vraies, mais haute et spacieuse, où elles avaient vécu jusqu'alors. Antonine et son fiancé avaient résolu de ne s'écrire qu'à la dernière extrémité, en cas de danger ou de besoin pressant. Mais la séparation se prolongeant, il fallut recourir à la correspondance, et la jeune fille se décida à mettre sa vieille bonne dans la confidence de son secret. Personne ne savait plus le nom de la bonne, on l'appelait du nom générique Niania. Née dans la maison de la mère de Madame Karzoff, elle avait 37 ans lors du mariage de celle-ci. La jeune mariée l'avait reçue en cadeau de sa mère, comme un des meubles, et non le moins précieux de son trousseau. La Niania avait vu naître les nombreux enfants de sa maîtresse. Elle les avait tous soignés, et peu après couchés dans le cercueil à l'exception de Jean et d'Antonine, seuls restés vivants. Elle adorait ces 2 êtres, comme elle adorait Dieu. Et s'il lui fallut choisir entre son salut éternel et la vie de l'un des 2, elle se fût damnée sans hésitation. Mais c'était à Antonine qu'elle s'était plus particulièrement vouée. C'était une petite fille, et par conséquent les soins devaient être plus minutieux et plus absorbants. Et puis Antonine était restée à la maison, tandis que Jean faisait ses études au gymnase et ne rentrait qu'à 4 heures. Depuis la naissance d'Antonine, c'est la Niania qui l'avait conduite à la promenade, habillée, levée, couchée. En un mot, elle marchait derrière Antonine comme son ombre dans l'intérieur de la maison. Ce qu'elle avait fait chasser de femme de chambre, ce qu'elle avait lassé de gouvernante qui avait pris le parti de s'en aller, puisqu'on ne pouvait pas la faire renvoyer, ce qu'elle avait mis de querelle, de lutte et d'inimitié dans la maison ferait un gros volume. Tout être, quel qu'il fût, qui dérangeait ou ennuyait Antonine, devait bon à mettre au rebut. Et il n'était pas de moyen qui ne semblât convenable à la Niania, pourvu qu'il arrivât au résultat désiré. Les professeurs et institutrices finissaient par lâcher pied, et Antonine en vint de la sorte à se former un caractère très résolu. Si elle ne devint pas despote, c'est qu'elle avait un sens inné du juste et de l'injuste qui la préserva. Mais pour tout le reste, elle se fit une loi de sa propre volonté. Cette fermeté la sauva du caprice, défaut ordinaire de ses compatriotes, qui, sans cesse adulés, ne trouvent point de limite à leur fantaisie, n'ont plus de règles pour leur existence. Si Antonine devint fort entêtée, au moins ne le fut-elle qu'à bon escient. Si persuadée qu'elle fut de la tendresse aveugle de sa Niania, elle tremblait intérieurement le jour où elle y fit l'aveu de son amour pour Dournoff. La vieille servante l'écoutait, les mains pendantes, comme il convient en présence des maîtres, la tête baissée, l'air respectueux. « Eh bien quoi ? » dit-elle, lorsqu'Antonine eut cessé de parler. « Tu aimes ce jeune homme ? Pourquoi pas, si c'est un homme de bien ?»« Mais ma mère ne voudra peut-être pas, » fit Antonine, surprise de ne pas rencontrer d'autre résistance. « Si tu l'aimes, ça ne fait rien. Ta mère ne voudra pas faire de peine à son enfant chéri. Seulement, ma belle petite, sois bien sage. Ne laisse pas approcher ton amoureux. » Antonine jeta un regard si sévère à Niania que celle-ci perdit toute envie de la morigéner. « c'est bon, » reprit-elle. « Pourvu que tu te maries à celui que ton cœur a choisi, c'est tout ce qu'il faut. Ta mère, que Dieu conserve, n'était pas si contente quand elle a épousé ton père. Elle a bien pleuré. » « Tu te le rappelles ?» fit vivement Antonine. « Certes, elle en aimait un autre, un joli officier avec des petites moustaches qui venait à la maison. Eh bien, que veux-tu que je te dise ? Elle s'est consolée. Ton père est un brave homme, pour cela il n'y a rien à dire. Et ta mère a été toujours choyée comme la prunelle de ses yeux. Elle a toujours fait ce qu'elle a voulu. » Antonine garda au fond de son cœur l'espérance que sa mère, empêchée dans sa jeunesse d'épouser l'homme qu'elle aimait, serait compatissante à sa situation. Cependant, elle se contenta d'espérer en silence. Niania fut chargée de mettre à la poste et de retirer la correspondance des deux fiancés, et elle s'en acquitta avec beaucoup de zèle et d'adresse. Le matin du jour où Antonine se montrait si impatiente, elle avait reçu un mot de Dournoff lui annonçant son retour pour le jour même. Aussi les heures lui paraissaient-elles longues.